Eh ouais, on est tous dans le même bateau, mon copain. Et pendant qu'on se tire dessus entre nous sur le pont, qu'on fait les poches du capitaine et de ses invités, d'autres démontent et partent avec l'hélice parce qu'elle pèse son poids. On s'en fout au fond de savoir comment avancer. Vouloir ta guerre sans payer le loyer, moi vouloir ta conseil c'est ta caisse après que tu l'aies nettoyé, ouais. M'a parlé mal, rien à foutre, écoute, toi prendre ma déposition quand toi finir te me foutre des coups. On est dans cette jungle, le riche avant d'aller au lit adore. Regardez la biche, une naissance à des alligators. Tous là en bas de l'échelle, à dire ça quand tu feras connaissance avec nos armes, check si tu viens pas me lécher. Je viens de là où l'argent fait le bonheur de chaque famille, chaque gosse, chaque boîte, j'ai dit lâche le sac mamie. On est loin de leurs vacances à Cannes, mais pendant qu'ils flanc, on pue leur baraque et normalement ça calme. Mon placard, on fera pas partie de la catégorie qui sort avec le sourire à ma gloire. La cage des gorilles, schling schling, on aiguise la serpette de la même façon. On a tous pris des rousses, mec, d'un daron en main de maçon. Cavalcade, mon égal au bas de la case. Tout pour la thune, mais cet endroit gros, tu sors pas de la cave. Régime la belle 5, aïe. On reconnaît tous, ça fait les 5, mais c'est tiré dessus dans le kayak. Mais bien sûr qu'on est tous des bonhommes ici bas. Mais sans sur les mêmes, nos darons ne sera jamais les sylvables. Juste poser les larmes, le temps de se dire 3 minutes 38, sans qu'aucune de nos balles ne se tire. On paye tous le même tarif, tous de Toulouse à Paris. On est tous dans le même pack de 12 coups, qu'est-ce qui t'arrive? Les PD veulent voir nos têtes sur un plateau d'Eptie. On ferait mieux de s'entraîner plutôt que se noyer dans la fosse septique. On paye tous le même chaos, tous la ruelle au bao. On veut tous une place à bord, même avec 12 sous le chaos. On est tous anti-marial, anti-lâche, anti-boulet. On est tous des maillons de la chaîne attachés au boulet. On paye tous le même tarif, tous de Toulouse à Paris. On est tous dans le même bac de 12 coups, qu'est-ce qui t'arrive? Eh, hey, on est là, lâche tes poils pour les autres. On a l'art d'être les autres, et l'art de se taper pour les autres. Moi vouloir ta paye de boss, sans travailler. Moi vouloir ton trône, ta grosse, et la tête de tes 100 cavaliers. Puisque nous être des sauvageons pour l'état, nous renier comme ils le font, c'est nous tendre le beretta. Tire de sommation, lève tes bras, fais pas le fou. Tu sens le sol au plafond, le rap dégasse, tu cafouilles. Ouais, nos héros sont bas de gamme, ne porte pas de cap. Chez nous Superman, à l'accent cubain, les dents d'Adcam. On a grandi entre les hommes et les rats, et on aura besoin de personne pour se nommer général. On veut tous la tête du comité office, et en partant mon hôtel. On aura tous les mêmes promesses pour nos fils. C'est l'avocat joue au golf avec le juge pour ton adversaire. C'est pas l'envie qui manque de nous briser le visage au fer. 7-7, ta thérapie de groupe et t'écoutes ça tombe. Mais on t'a vu qu'une panthère pouvait redevenir un touche-à-tout. Touche-à-tout, mec, pour remplir le chariot leader. On veut la bouteille, direct et du plomb, on s'est Charlotte Vider. Eh, hey, dis-leur que le soleil, on a promis de l'attendre. Sauf qu'on avait pas prévu d'avoir un gros lit sur la tombe. Alors on trace comme des lièvres en danger, traqué par les chiens. Et quand le lièvre s'en sort, il se fait manger par les siens. Prends ton instinct animal, le temps d'une chanson. C'est juste 3 minutes 38, toi, lui, moi, tous ensemble. On paye tous le même tarif, tous de Toulouse à Paris. On est tous dans le même pack de 12 coups, qu'est-ce qui t'arrive? Les PD veulent voir nos têtes sur un plateau d'Eptie. On ferait mieux de s'entraîner plutôt que se noyer dans la fosse septique. On paye tous le même chaos, tous la ruelle au bao. On veut tous une place à bord, même avec 12 sous le chaos. On est tous anti-marial, anti-lâche, anti-boulet. On est tous des maillons de la chaîne attachés au boulet. On paye tous le même tarif, tous de Toulouse à Paris. On est tous dans le même pack de 12 coups, qu'est-ce qui t'arrive? Eh, hey, on est là, lâche tes poils pour les autres. On a l'art d'être des autres, et l'art de se taper pour les autres.